Exercice 6, page 32. A. Pascal vient aujourd'hui ? Non, il vient après-demain. B. Il est parti en avance ? Non, il est parti en retard. C. Frédéric est arrivé hier ? Non, il est arrivé avant-hier.